Keba. Monde sa mabel. Keba. Monde sa mabel. Hey na ndenge. Hey na ndenge. Hey na ndenge. Hey na ndenge. Keba balo balo balo baba zande pamba oh. Kinoa kinoa kilo golo golo ba photocopy. Chaco production. Plus que meilleur. L'humanité, 6600 volts, Didi Kinoani, le grand acheteur de diamants, plus boss que boss. Costa Mouna, le gouverneur, l'homme en diamant. Freddy Lufumula. Jean-Louis Kibali de Paris, Moscou, Bob, le boss à Qatar. Sango, le roi de la forêt, Yende Mokozi à Kwango. Fedenza et un grand patron, la taille ne fait pas l'homme. Photo Chico Paparazzi. Trifon Trifazé, Crispin Luba ya Kicho. Game c'est ça y a la fumuta kuna London. Don Macintosh, yo mo pozi la bagote. Kotiko, kotiko mine, kotiko. Ale la batata, kotiko. Kotiko mine, kotiko. Mama e, mama. Mama zato na mama. Mama e, mama. Mama e, mama e. Mama zato na galeo. Mama e, mama e. Kotiko, kotiko mine, kotiko. Ale la batata. Chambaba basma tchamba. Lanceron Fulaka Tulawela. Miata y'a moi qui les grands solistes. Horizon Massamba, New World Business Agency. Kangambila, Serge Kadiman à Paris, Chadiran Bakomba, Moninga Yazadio Mukuna, Olivier Kabwanga, www.com. Bon, Fiki pour chaque production, tout royaume en toi, Télémeli Motoni, Sifio Tunani, Yamata Zeto, Mamonosi Mouloani, Tatuma, Bukalana, Kese, Yepangi, Anita, Sah. photo bentenge fumu na ba le grand prêtre Chantant mon petit sous-sélant. Essaye nous faire mot de plein de bonnes manières dans la carte suisse. Freddy Ndongala, le grand Irlandais. Yoka Adrisha Tipotipo. Yen a fait recherche de poulet. Les chanteurs à la voix digitale. Bako tungi sakanga, pona yebisa bango. Esika nini bamona toni winkele. Je nomme elegant, na makanisi ya bakolo. Sango na yo etamboli partout. Presence na yo balopi ozali mete ose. Partout yo kemeke, pas de problème. Bako tungi sakanga, pona yebisa bango. Esika nini bamona toni winkele. Je nomme elegant, na makanisi ya bakolo. Sango na yo etamboli partout. Presence na yo balopi ozali metteur en scène. Partout yo kendeke, pas de problème. L'incomparable Jean-Jacques Mbouane à Montréal. Titi les Valois, la pierre précieuse de chez moi. Venancio Malanda, le président. Quand je pense à toi. Oh, Tony Winkele. Soki na banite, na nyako sulangai. Soki na vandi pamba, mozemba pasi. Na koma koyele na po, amigenda. L'empereur Bisongo. Quand je pense à toi. Sanduku nalela kayo kapo mwamba nana nzemba Jean-Luc Mukoko mwahana mopalio ya pesinga ifoli damo na Paris baza kontu na John da Silva na pela pa kontu na ngai fils Kandolo Ampere otoni wikele soki na balite na nyako suna ngai soki na fati pamba mozimba. Berthe Mosolo, Banque Mondiale. Quand je pense à toi. Tony Winkele, soki na balite na nyako sulangai. Soki na fandi pamba mozimba pasi. Na koma koyele na po amigenda. Faire cher de poule digitale. La commissaire la soba, pali moi comme si maïta palé. Tony Winkele, pali moi moto salo qui n'a mis soba na Panama. Clément Mambo yo, c'est de Berlin. Chéri Gola yo, bébé, papa. A ses amas, coucou la la qui le van à Paris. Freddy Mouvadi, Sozo Moutens, Mosaïque. Tony, oh, oh, Tony Winkele, Soki na balite, na nyako sulangai. Soki na fandi pamba, mozemba pasi. Na koma koyele na po, amigenda. Pietro Moubiala, le prince. Maker Mbele, la source intarissable. Yeah, Benjamin, Benjamin, Benjamin, ooh. présenté Eric Mamba. Aimé Simba Élégance, le prince de nos matalakas. Marie-Claire, Kissile, Marie-Claire, Kissile, Mama, honorable Michel Ladilouya, Papa Kobe Mundabi na Grand Hotel, Horizon Masamba. Makanisima komi mosika, kolela kayo eko mindoto. Olingo nangai Marie Claire Kisile, nakomi olelaka, yo komo nanate. Marius Munga, le véritable MM, Mireille Muzinga, maman. Banzanga Jimmy Boucher, nakole la kayo na mosika. Mikolo, mikomi bambula, nakomi olelaka, yo komo nanate. Naleli, mbolingo nanga, nakoma koluka yo na katanga. Mondele Elise, yaya. Tantine Irene Marie Kolunzamba, ya Ina, ya Jeriva Mokumadi, RDJ. Mami Chibola, Mama Christopher. Et mes chats et panquiers amis d'enfance. Godessi le fombo, Kamuna Basi, Mobala Charlène. Mon colonna koku fanani a kole langai, nakoye bate, nanani nalela. Liwaya kwiti, sokipe liwaya samba. Liwaya mai, sokipe liwaya nini mama. Mon colonna koku fa. Mon colonna koku fanai, adricha tipo. Nakanisa kaka, bano yona bota. Natimbariko, jenimbariko. Joël Mariko, Mokolo na kokufa, Mokolo na kokufa ngai komizisien, nakanisa kaka taboule rochero, nakanisa kaka loa mofoko makedi, nakole la kaka ngiama de la forêt, nakole la kaka jibel bien un souverain, papa wemba e meneya, kofio lomide, madilu système. Général de Fao, c'est des chalets. Manda chanté, ça m'a dit tout ce qui va ramener. Adolphe Dominguez, Blaise Boula, Bozi Boziana, Marie Paulet, Alexis Doudoul, Mère Fatou Labi, Adrien Salé, Bibi Kaïba. Yama se foula ngenge. Charlie Moussouaïma est le pape de l'ambiance. Le PDG lui Onema. Yabino Yangote. Richard Kabala. Eric Ndala. Madouki Bambe. Madouki Bambe, mon ingénieur. Yebisa Alain Scapella. Trilex. Didier Sayala Sassoum, qui traite Sainte. Les Asiatiques de Bruxelles. Sylvie Lalune. Francine Misser, Bibiche la Blanche, Isabelle D'Acosta, Photo Papi Flash na Victoire, Salanga Bililiko, Le Beau Garçon de Paris, Johnny Mwadi, Rendez-vous na Salon Boza, Ino Ilanga Musée de Beauté à Paris, Charlemagne Fangundo, Ville Cambo, Doudou Yayoka. Ya Mozart kuyanguluka papa na Suza. Major Henri Capend. Bébé Mbele. Mireille Sango, Irène Sango. On a tant parlé du mal de lui, mais l'homme béni par Dieu ne se reproche de rien. Ma panga. La finanga tipo tipo est comme un danger. Mais qu'on a salaka, amour y a la beauté. Peintre à bolingo, chanteur de l'amour. Ma Ya Théo Maïla, ma du Saint-Joseph, mon amour, je t'en prie, réponds-moi. Nazali, toujours devant ton prénaïo. Le président Mouguerin Alice Boy, moi, Pivier Gaou. Alobi Badiamana bino boti ango molongo pe mobiku akosomba tu. Il est très fort contre un souci non aka fonfou. Na mosala ya diama, sa ba pesa lupemba. Diama na moki liba peki e chenya diama. Mama vanga, de nature, au couleur naturel, poids noir. Papi Kala, Malingio, mon amour je t'en prie, réponds-moi. Hérité Watanabe, le professeur Ibuti. Mama Vanga, je t'en supplie. Comptoir Apocalypse 22, je bienvenue Kamba. Namushinda, oh Mushinda, t'es na Kafoufou. Ah, t'es na Kwangu. Yosali monte mama ve ma vanga, nikolo wa santa ve pamula to mona ite ma vanga. Yosali yosali monte mama ve ma vanga, nikolo wa santa ve pamula to mona ite ma vanga. Ya papi mo passe. Amitié na bondeko, ege senite ma fe. Mosa wa nga wa motema, ma fe mo vanga. Papa na rola ye. Ya bebe ki tambala, kit. Papa ma ma vanga, mosa wa nga wa motema. Basanza ehe pe mikoro mileki, na komo na yote. Viens nga vapi vava. Itumba pe matata to sala na papoti ya mari mo bien. Et di kali cicatrice en bolingo. Yo ma ma vanga, kamatanga na maboko. Mayo pe lokola mwana ti Joelle. Gotie miyalu, gotie business. Mayo pe lokola mwana ti Jennifer. Mayo pe lokola mwana ti Nati. Sena kindembe. Bana la samba, oyo kamokonga nzoko tos. Oli fia kamwanga kanisa likele mwoli moto sala. Bangi my food. Sapina nga motema ngende fati baroteke. Mukentonga. Oh ma ho. Lela di. Mukentonga e. Kolela ya mwana basi. Mawa. Sambe soki oko yo kapesa. Atankale. Kipota pino dike donzo loko motema sulumo sengo. Nana ngoka kanginga imi soko mona yeye. Defumi jene wapi ma. Allez les coins zoko. www.com. Hey Kilumbu ngeta puisa ngeta kuta mono me balaka. Cheto. Ngeta yula nanyoma. Balola. Ngeta yula mabe mabanga o mwana zamba o. Cheto. Ngeta yula ebala bono mwana kini. Kuruta. Mabe mabe mabanga. Kwanza. Mabe bagenzo bula yai. Kisaluna bambongo, kanabongo ikeleve yandi kutina e. Sami kuira kere oma. Yosali, yosali mote mama ve mafanga. Nikolo basanza pe pambula tombo na nite mafanga. Ah, Anklo Sambila. Yosali, yosali mote mama ve mafanga. Nikolo basanza pe pambula tombo na nite mafanga. Adrien Siale na Katia Mola Engambese Mangalet Grand Douanier na Katia Hollande Yoka FBI Animation à l'agonie. José Zete Moindo, na lobani na bango, je suis très fort, plus que fort. Mako baluka pe mako chité. Ange Panisse, le grand monsieur na Katia Brazzaville. Voyez-y. de couture Coco Mode chez Coco Sakata Nakatia sans fil Matakumbwa. Bana on y faut 400. C'est ça l'antiba, la touche à Tipotipo. Les grands Tangoku, les pilgrims et son nom. Ange Kamaya, la chef terre. Les grands voyants, la Gino Club Kaouka. Je suis le dernier son de la trompette qu'avait dit la Bible dans Apocalypse. Mami Sayala, pourrais-tu avoir pitié de moi? Afin que mon cœur ne soit pas jugé comme si je n'avais pas accompli ma mission. Queen Mada in London. Mami sayala mama na kantine na lingio ya nini paboti ba lingite mama clodirite bona bala yo chérie yeah. Bienvenue Kamba, comptoir Apocalypse 22 ne tombera jamais. La chair de ma chair, tosse de mes os. Mami sayala poninyo sakipoye. Nasaliko pengayo na mongongo ya mawa mama. A chaque jour je suffis à peine mama. L'obie l'obie zande mokolo. L'obie zande mokolo. Zanda kote sabiso. Mami sayala mama ya bona. Bakona konga motela kolo ba mingito simi kisi. Kisi ye Narikite moko ya toya koma tota. Yo sa te ferma dime mon amour. Tala lelo na zakolu kayo komona na te. Otiki pasi na motema ya moto olingaka. Nanya defisanga mbongo na bana mami sayala. Lipasa makati ya na bonzeli yo onde motema nanga. Na kabeli yo fololo rosa. Suanga otianga na sa motema na yo. Kola la soko lingi kola la tanga komo ya tipo tipo oba zakanga na koza la pembeni na yo. Los Maelos, le directeur le plus direct. Yeba motema mansuki epa na yo. Mami sayala mama na koko kate koyebi samboka mobimba bayo kanga na kone na yo. Fernandine oboinga yo bossa ni manso to la kanaka toko bana na nande kwanza me sango mokonzi ya benisa monseigneur moke a benisa a bebi tulu papa kolela nanga yango yo oyebe pa yo kokende kokanga motema te tindela nga ya tamaloba na kombe kombe poso kipijo bakolia ye malobalanga ya suka mami ata okena Canada yo pesa bango sango na mesana komona yo butu moyi tongo pokwa boni lelo mikolo misato mikoki na mona yote na komi malole vraiment na komi malole Maker Mbele, la source intarissable du diamant. Na maboko mayo, na koma lokola bébé. Na katia berso, mama linga tembo ye soa kaye. Tu es ma raison de vivre, ça y a la kamesa. Foni Chimley, transfert des fonds assurance totale, Atasa Kiambongo. Eko koma, Oscar Odilon, sans peur. Boni mama etika la lisi toile. Mbala kela si batanga mbo. Nathalie Pungi, la dame de fer. Nano keli mula libanda poya kozela yo mwana mama consolation nanga lo batali lo balio komo ni momwanga imoko kikobika balio konyo kolo moto alingi yo atricha tipo tipo nami pesi ngomo bimba na pomo ibwanga na poni Fernandine na lingi bolingo tika la lisi toile ye ye Mana kela si batanga mbo Amen Yangana yosu kate Moko luango ezana kipasi Yo yebisa kinga ke yolingaka Na yonga inge Na motia manangai Yopika dalapo Jose Sosongo Yopika bendele Fernandine Mamisa yala Mama Ma jolie Kamba, la mère de la nation. L'obie est sans de mon colo, mami. Tony Winkele. Toka moanite, mokile kela manango boye. Soki yolingi moto, bambuna pakoti. Olove moto, bajalou babotami. Bolingwe banda damuna eva. Misote abato ya moto, bandango bolingo, sayala kamesa. La tanga la loquete na yo loco na zikida Lo pieza ne mokolo Lo pieza ne mokolo Sanda papesa diso Mami saya la mama ya bana Kakola kokamo Eba kolo babingito sini kisi Kisi ye Elikite moko ya toya koma tota Yo sa te fernandine mon amour Ya jeje fula mambo Yoka jeje lumière Soki yo pesinga mokongo lukandeli wananga Oh, banali motema lokali litananga. Oka ba motema na yara banguna ta. Nalo banzi na nini mama. Oye ba kanga na linga yo rogi bakere. Mansa minanga mbongo wa belo rango wa okongo. Alapa maye. Kabo mwamba papa français, yoka kiliano fujiwara. Souci ya bolingwa mami esili singa inzoroto na lela kaye. Lokola bebe, nafsansa mama na ye. Nga iko sapato tena makolo na sala kokoroni. Nga iko kono londi mwenga ye mawaye. Yeah, yeah. Bana kingasani boyoka chento Lipasi ya bolia na koma kolela Chento Mawapere salinga lokolo simbelinga yango Tome chéri Nga muteme komye nsengo nsengo Jowele ye ye ye ye ah. Awa lokolo keyi Sofi kiwonge nangaye Zongela ngaye ngali wali komi pene Zongela ngaye mami sayala na wye Monsieur Solution La complaisance est une faculté d'aboutir. Nakanisaka mingi solo li kambo yango. Nazalaka soki na banzi tete mopasa. Epe sakanga malati peba kisanga susio. Hiyo koma kotika ba distance na la mulu. Ngai pena kokakate yo sala musika Tomesa na kofanda esika mokonga na yo Yolota kangai atakolotao na bandoto To bandaki malamu leloto suki na mawa Dalangai Dalangai Tunampe Baebisa yo ndenge na lilaka yo Soki likamu esali luka mwayo komelanga Kobela kabate mwete yo Mabolingo Uyanga na yo esali sebolingo Yasuka tedele Yibaka mate yo salinga atandele yo kofunda Umesa na koka mwole loko yo bolingo loko la mai ya kare Dingo wananga ipena swaka yo se wangae Tolingana na yo Fonde ni pouvoir Anise ikama Oyanga na yo ezali sebolingo Yasuka teshela esati Yibaka mabe yo salinga Atandele yo kofuna Yomesa na koka bona Eloko yo bolingo Natinanga Yango wananga ipena Nzoka yo se wangae Chowele Tolingana na yo Maison de peinture auto Atelier de manche Chez Desima Kangila Bakouler ya soin Dede mon passa Genoma bien à Lubumbashi Staff Bana Bank Prêtre Tienga Dede mon passa Genoma bien à Lubumbashi Papa na yue Bana yonde mote manange Hérité Watanabe Mote manange L'impresario Gouji Nancia tombe yaka kole la nanga Delino Guerra Nancia li sanga Celine Makolo yo kantango Nanyangwa Kilite pole lo bobo manga Atombola mosapi Amin mila trayende pafe Ngakuchi na sangwe Dede mopasa Genoma bien alubumbashi Biza ya polingo bape tanga Mote makasi dele na nana chidi Eko kanite Hoya ngaya Kuzi rentre Hoya chimba lolo Irene Masiandakyo Benga pe shaloto Oye bana la filanga Na sase kotele la ya tete Mopasa o Talateli yo kutu Pile bolingo likwa peo Dede mopasa Genoma bien alubu Na lingi yonde le muchi Lovanzi no na katia ndako Na pesi mbongo ya libalao Vando yo ke langai Lati mwana ngele mama ya bana o Kapo mwamba papa franse Dede mopasa Genoma bien alubu Nga unga unga, mbalo kasinga ye Nga unga unga, bokul kangambila Nga unga unga, butu mpatibi ye Nga unga unga, general kusunza ye Nga unga unga unga unga, kibiki wila walile Bide ye mpasa, genoma bien alubumbashi Kota mama ye, mama inyase moleka alike toto ema Tushi lenini na pesite pole loyo buyanga Popa chopa na teyo mayila babala Yasha matundu ye ye Dede mopasa genoma bien alubumbashi Achille Bobby, Salon Gabriel ya Gabi Folo Otene Dorixe na Kimbangu Severin Mazita On voilà Antonio 1 000 000 de 1 000 sabots Djangoumouka, Djangoumouka, Djangoumouka Jonas et Dibron. Fondation Jojo Mandiki na Dar es Salaam. Chez Tonton na Matadi. Hôtel Ledia. Hôtel Kitokodi. La gendarme africaine, Maman Solange Camara. Thank you. Zala ki enemi na moto te Kamarade ya moto nyo Soto leli pepe kale